Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est l'heure de votre rendez-vous disco et funk du samedi. On entame avec la découverte du jour avec le groupe T-Connection et son titre Saturday Night. Originaire de Nassau dans les Bahamas, il est composé de 4 personnes dont les deux frères Coakley. À la fin des années 70, début des années 80, ils sortent quelques tubes dont le fameux Saturday Night. Ils sortiront 10 albums jusqu'en 1984. La chanson Do What You Wanna Do fera entrer le groupe dans la légende en 1977. Mais assez parlé, place à l'écoute. Passe à notre rubrique des 100 hits. On s'attaque aujourd'hui à Love Sensation de Loleatta Holloway. Le multi-instrumentiste, compositeur et producteur Dan Hartmann a un parcours étonnant. Il a produit tout au long de sa carrière nombre de tubes dont le célèbre Living in America de James Brown que je vous ai déjà fait découvrir. Il s'essaye donc au disco entouré de la crème des musiciens de Philadelphie pour produire Instant Replay et We Light My Fire. Sur ce dernier, il invite Loleatta Holloway à poser sa voix gospel et ses cris puissants. Motivé par ce succès, il collabore de nouveau sur le funky et énergique Love Sensation. Loleatta signe une de ses plus belles performances et obtient son premier numéro 1 au Top Dance. En 1983, le DJ Shep Pettibone réalise un remix dans une esthétique proche de la house naissante et c'est à nouveau un hit dans tous les clubs. Mais en 89, Love Sensation est au cœur d'une polémique après la sortie de Ride on Time de Blackbox. Ce hit fondateur de l'Eurodance est presque entièrement construit sur des samples de voix de Loleatta Holloway tirés de Love Sensation. Tout le monde pense alors que la chanteuse est Catherine Keenhall, alors qu'il n'en est en effet rien du tout. Loleatta raconte qu'à l'époque, elle vit très mal ce vol, puisque ni elle, ni Dan Hartmann ne sont crédités. Ils attaquent donc Black Box en justice et finissent par gagner le procès. Leurs noms seront rajoutés en 1991. L'incident lui a au moins permis de retrouver les devants de la scène. C'est parti. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Pour notre rubrique de la face B, pour cette rentrée, un petit village people ne fera pas de mal. La face B de In the Navy, vous connaissez ? J'en doute. Il s'agit du titre I Wanna Shake Your Hand, extrait de l'album Go West, paru en 1979. Alors le titre, il ne passe que très peu à la radio. L'album atteindra la 8e place des charts US. On peut dire alors, sans rien exagérer bien sûr, que le groupe atteint des sommets et connaîtra son apogée à cette période. Allez, on lui tend la main ? Come on. C'est le moment du maxi. Ça vous dirait d'écouter Cherylin, d'autant plus que ça fait longtemps qu'elle n'est pas passée dans notre émission. Le titre « Shake It Up Tonight » est extrait de l'album « In the Night » sorti en 1981. Le morceau se classera top 5 aux USA et sera repris en 1993 par le chanteur jamaïcain Luciano dans une version reggae. Bien sûr, c'est la version disco que nous allons écouter maintenant. We'll be right back. Mister Disco et Mister Funk sur Fadjet. On arrive à la fin de notre rendez-vous, mais il reste encore la pépite à écouter. George Benson sort une sorte de best-of en 1981. Ceux qui se le procurent ont le bonheur d'y découvrir un inédit, Turn Your Love Around. Le morceau sera même récompensé d'un award en 1983 comme meilleure chanson de l'année. Selon la légende, George Benson aurait trouvé l'inspiration dans sa salle de bain, du moins pour la mélodie. Il prend une cassette audio pour y fredonner l'air. Puis rien. Il doit attendre 4 jours pour enfin avoir le déclic. Il sera l'un des premiers à utiliser un synthétiseur. Bonne dégustation. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon dimanche, une bonne semaine. Je vous dis rendez-vous même heure, même endroit, même jour pour de nouvelles aventures. Bye bye.